un programme de Hel El Maoui sur les ondes de Radio Le Caire. De 20h à 21h tous les vendredis soirs. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Contour. Je suis Hel El Maoui, mon ingénieur du son est Doha Mohamed et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 21h. Aujourd'hui, je vous propose donc une édition musicale et je vous propose d'écouter donc une compilation de chansons de Gilbert Bécaud, ce grand homme de la chanson française. Gilbert Bécaud est né François Gilbert Léopold Silly. Il est né donc un 24 octobre 1927 à Toulon et il est mort le 18 décembre 2001 à Boulogne-Billancourt. Comme vous le savez, Bécaud était un chanteur, compositeur et pianiste français, un grand, grand pianiste. Au cours de sa carrière, il se produit 30 fois, donc 33 fois, sur la scène de l'Olympia, où il gagne son surnom de « Monsieur 100 000 volts » en raison de son sens du swing, du fait des passions qu'il soulevait dans son sillage et de ses fans qui, souvent à ses débuts, cassaient par enthousiasme, il faut le dire, les fauteuils. Il laisse, donc Gilbert Bécaud laisse l'image d'un homme énergique, toujours en mouvement, toujours enthousiaste, toujours souriant. Sa cravate à pois, ses quelques 900 chansons et sa main sur l'oreille, un geste spontané de l'ordre du tic, sont d'autres images donc spécifiques qui ont marqué les esprits. Alors, mes mains, Nathalie, le jour où la pluie viendra et maintenant, s'inscrivent donc toutes ces chansons donc s'inscrivent parmi les grandes chansons de l'artiste Gilbert Bécaud. Sa carrière internationale lui permet d'ailleurs d'enregistrer des chansons en anglais, allemand, italien et espagnol. Plusieurs de ses compositions s'imposent à l'étranger, notamment aux États-Unis, comme par exemple « What Now, My Love » et maintenant « Let It Be Me », etc., etc. Alors, pour la carrière de Gilbert Bécaud, on va donc commencer par dire que lorsque donc François Gilbert Léopold Silly, ça c'est son vrai nom, voit le jour donc le 24 octobre 1927, sa mère n'est pas encore divorcée d'Albert Silly, avec lequel elle a déjà deux enfants, et François Gilbert ne peut donc pas prendre le nom de famille de son père, Louis Bécaud. Ce n'est qu'en 1952 que François Gilbert Silly peut prendre définitivement le nom de son père associé à son second prénom pour devenir Gilbert Bécaud. Alors, Gilbert Bécaud s'intéresse à la musique dès ses premières années et en particulier au piano qu'il pratique brillamment assez vite. La mère donc de Gilbert Bécaud, surnommée Mamiko, souhaite donner toutes ses chances à son fils pour qu'il pratique son art dans les meilleures conditions. Aussi, à 9 ans, il entre au conservatoire de Nice, où il suit une formation classique en hommage à l'artiste. Une placette Gilbert Bécaud a été installée à proximité de cet établissement. Alors, il y reste jusqu'à ce que la famille quitte Toulon pendant la guerre en 1942. En 1943, la famille prend la direction d'Albertville en Savoie sous l'impulsion de Jean, le frère aîné. Jean est alors un membre actif de la résistance dans le Vercors et donc Gilbert Bécaud le rejoint durant quelque temps car Jean craignait que son frère se fasse arrêter à Paris. À la fin de la guerre, tout le monde rentre à Paris. Et Gilbert Bécaud a 20 ans et décroche quelques contrats dans les bars ou les cabarets en tant que pianiste. Il commence aussi à composer quelques musiques de films sous le nom de François Bécaud. La Société des auteurs-compositeurs, SACEM, enregistre son nom pour la première fois en 1947. Puis, il va venir à la chanson doucement à travers tout d'abord sa rencontre avec Maurice Vidalin. Et en 1948, François, ou Gilbert Bécaud, compose pour la chanteuse Marie Bizet, qui lui présente donc un jeune auteur, Pierre Delanoë, Vidalin et Delanoë deviennent donc des amis proches de Bécaud et ensemble, ils écriront de nombreuses chansons. On écoute maintenant donc une compilation des chansons de Gilbert Bécaud. Et qui réclame un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi sur ton bateau, sur la mer, toi dans un village lointain. Un problème insurmontable, tiens, pose-le sur la table. Laisse passer, car le temps, car le temps, car le temps, car le temps te réglera. Ok, je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. C'est pour toi des jours de fête, ah mais cela dit, faut pas les louper. Et toi, ta chambre, c'est comme une île où tu as dû pas mal pleurer. Ouais, pas vrai. Autour de toi, t'as ta petite ville, prends ton banjo, viens, on va danser. Danser aux marins sur la mer, au gars d'un village lointain, à tous nos problèmes insurmontables, c'est posé là, sur la table. Laissez passer, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps te les réglera. Ok, ok, yeah. Danse avec le temps, monsieur. Tout ça, c'est pour rire. Danse avec le temps. Voilà, donc la première chanson, c'était « Seul sur son étoile ». Et nous allons donc écouter d'autres chansons de Gilbert Bécaud. Donc, les meilleures chansons de Gilbert Bécaud certainement ont été donc « Nathalie » et d'autres belles chansons. Donc, « Nathalie », si mes souvenirs sont bons, donc Désiré,

tant de malheur. Regardant tout le temps les étoiles dans les yeux, vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. A voler, a voler, a voler, a voler, a voler, a voler, Laurent. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, Laurent. Je dis marchand, non, non. J'ai pas volé, laissez-moi. J'ai rien fait, ni quoi. J'ai rien fait. Vous êtes fous, non ? Vous êtes fous, non ? Vous êtes fous, non ? Et vous êtes malades, non ? J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! L'orange du marchand. Et je reviendrai te chercher, donc, de très très belles chansons de Gilbert Bécaud. C'est extraordinaire, en fait, d'écouter ses paroles, donc, dans cette chanson de L'Orange du Marchand. Il essaie de se défendre à tout prix, comme quoi il n'a pas, donc, volé l'orange du marché. Du marchand, pardon. Alors, durant sa jeunesse, il commence une carrière vers l'année 1948, quand il fait donc la connaissance de Pierre Delanoë et Vidalin aussi. Ensemble, donc, ils écriront de nombreuses chansons. En 1950, grâce à Marie Bizet, pour laquelle il fut accompagnateur, Gilbert Bécaud rencontre Jacques Pil, chanteur très à la mode à cette époque. Bécaud devient son accompagnateur et ensemble ils entreprennent plusieurs tournées triomphales, en particulier en Amérique du Sud, mais aussi au Canada et aux États-Unis. Lors de cette tournée, ils écrivent une chanson qu'ils souhaitent proposer à Édith Piaf. Dès leur retour en France en avril 1952, il présente la chanson Jeter dans la peau, que la chanteuse donc accepte immédiatement, et peu de temps après, Jacques Pil épouse Piaf. La collaboration avec Pil cesse et Bécaud devient régisseur de Piaf. Toujours chez Piaf, Gilbert Bécaud fait également la connaissance d'un auteur, compositeur, interprète comme lui, débutant. Il était donc le grand chanteur Charles Aznavour. Comme pour Gilbert Bécaud, Piaf a ouvert les portes de l'Amérique à Aznavour à la fin des années 40. Les deux jeunes artistes commencent à composer ensemble et de nombreuses fois, au cours de leur carrière, ils renouvelleront l'exercice. En 1952, François Silly, entre guillemets, Gilbert Bécaud, prend définitivement le nom de Gilbert Bécaud. Voilà. Il rencontre celui qui, avec Maurice Vidalin et Pierre Delanoë, va devenir un de ses paroliers fétiches, Louis Amad. Donc, Louis Amad devient l'un de ses paroliers fétiches. Haut fonctionnaire, Louis Amad se partagera toute sa vie entre ses fonctions officielles et l'écriture. En 1952, Gilbert Bécaud épouse Monique Nicolas, dont il a un fils l'année suivante. Gilbert, qui sera donc surnommé Gaïa. Tout va très vite désormais pour Bécaud, qui possède tous les atouts du succès, son talent de compositeur, des auteurs talentueux et une solide expérience de la scène acquise durant ses longues tournées avec Jacques Pil. Le 2 février 1953, allez, on va parler donc de 1953 après cette chanson donc de Gilbert Bécaud, Avec le temps. Et on va écouter donc Avec le temps, et il suffirait de presque rien. Tout s'en va, on oublie le visage, et l'on oublie la voix, le cœur,

tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Moi demain, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que la plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancé, c'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier. What you need, a little love and understanding, a little warmth to tell your soul, a gentle bird that softly sings. Each night my voice happens to sneak through your transistor radio. Just a secret you can keep, and no one ever needs to know. You in that city far away, on the ship way out at sea. You got some problems you can't face, so leave them behind any place. For out of sight is out of mind. And in time, and in time, and in time, and in time, and in time, you'll find peace of mind. Okay. Good, good. Your room is like a desert isle, you've often filled with silent tears. So grab your coat, put on a smile, go out and buy yourself some cheer. Why sit there thinking of the past, recounting empty days gone by? When you should make each moment last, it isn't hard to do, just try. Drink to the city far away, to all the sailors way at sea, to all those problems you can't face, so living behind any place. For out of sight is out of mind, and in time, and in time, and in time, and in time, and in time, you'll find peace of mind. Okay. Tiene que llegar, yo partiré. Un día tiene que llegar, yo partiré. Tú llorarás y lloraré, tú me hablarás y te hablaré, con la pena en la mirada. Yo partiré. Aunque parezca sin razón, yo partiré. Aunque no tenga explicación, yo partiré. Me pesarás, te pesaré, y no dirás que te engañé. Cuando el silencio nos envuelva, sabe, yo partiré. Muere la rosa en el rosal, yo partiré. Cambia su curso el manantial, yo partiré. Quiero vivir, quiero cambiar, y sonreír, despertar, y como el ave en primavera, quiero volar. Mi destino, mi destino es hacer mi voluntad. Necesito, necesito libertad, libertad. Donde me lleve el corazón, yo partiré. Sin importar a qué región, yo partiré. No más fingir, no más ceder, ni discutir, ni padecer, abandonando las cadenas, yo partiré. Antes que llegue nuestro adiós, yo partiré. Lo más feo de los dos, yo partiré. Sin explicar, sin un porqué, me pesarás, te pesaré, y con tu nombre entre los labios, yo partiré. Mi destino es hacer mi voluntad. Necesito, necesito libertad, libertad. Voilà, c'était cette dernière chanson, donc « Y partirai », qui voudrait dire donc « Je partirai ». C'est mon collègue Karim qui m'a donc traduit le mot ou cette phrase donc de l'espagnol. Et avant cela, donc, il a chanté une chanson en anglais, « A Little Love and Understanding », et avant, c'est en septembre. Alors, en 1953, Beko enregistre ses deux premiers titres, « Mes mains », signé donc Delanoë, et « Les Croix », signé Amad. Son fils, Gilbert, naît exactement le même jour, c'est-à-dire le 2 février 1953. À ce moment-là, ce qui va devenir la salle de spectacle la plus célèbre de Paris, l'Olympia, est sur le point de rouvrir après 25 ans d'abandon. Le propriétaire, Bruno Cocatrix, pense à Beko pour la toute première affiche en février 1954. Beko n'est alors que vedette américaine. Mais lorsque le 17 février 1955, il remonte sur la scène de l'Olympia en vedette cette fois, le triomphe est au rendez-vous. À cette occasion a lieu donc la célèbre séance en matinée au cours de laquelle 4000 jeunes, emportés par l'incroyable énergie de Gilbert Beko, détériorent donc une partie de la salle. La presse relate largement les faits et Beko bénéficie de surnoms tel Monsieur Dynamite ou le champignon atomique ou le plus célèbre d'entre eux, Monsieur 100 000 volts. Cet incident donc marque le véritable départ de la carrière de Beko et surtout son attachement à l'Olympia dont il reste l'emblème. Le nombre de ses passages dans cette salle, plus de 30 fois de 1954 à 1999, est un record. Voilà, donc dès 1955, Beko consacre une grande partie de son temps aux tournées qu'il emmène de l'Europe à l'Amérique du Nord, en passant par le Maghreb également. Parallèlement à la chanson, Gilbert Beko fait ses débuts au cinéma en 1956 dans le film intitulé « Le pays d'où je viens » donc de Marcel Carnet. Il en compose également la musique, cependant le 7e art restera toujours en second plan dans la carrière donc, de Gilbert Beko. En 1957, il enregistre la chanson « Salut les copains » qui en 59 donne son titre à une émission radiophonique d'Europe 1. 4 ans plus tard, une autre chanson de Beko nommée « Tête de bois » soufflera donc en 1961 son titre à une émission de télévision également destinée aux jeunes, « Âge tendre et tête de bois ». En 57, naît son second fils Philippe et fin 1958, disparaissent son père et son beau-père à 2 semaines d'intervalle. Gilbert Beko aborde les années 60 en s'ouvrant à l'international. Son énergie, enthousiasme donc des publics de toute nationalité. En 60, il reçoit le Grand Prix du disque. Il crée cette année-là une cantate de Noël, « L'enfant à l'étoile », qui est diffusée à la télévision lors de la soirée du 24 décembre 1960 depuis l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. En 1961, c'est l'année de « Et maintenant » signée par Pierre Delanoë pour le texte. Cette chanson sera reprise plus de 150 fois et la version anglaise « What Now ?» La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suis des par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre, on n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Nathalie, donc une chanson de l'année 1964. Donc c'est l'année où l'artiste chante Nathalie, titre phare de son répertoire et qui atteint en quelques mois des chiffres de vente exceptionnels. Gilbert Bécaud l'interprète à l'Olympia pour son 12e passage sur la scène du boulevard des Capucines. Puis l'opéra d'Aran tourne en France et l'Europe. L'année suivante, Bécaud repart en tournée à travers la France et puis s'envole pour l'URSS le 24 avril. De 1965, on retient « Quand il est mort, le poète » et « Tu le regretteras », chanson donc dédiée au général de Gaulle qui fit couler un peu d'encre en cette année d'élection présidentielle. D'ailleurs, Gilbert Bécaud choisit de ne jamais la chanter sur scène. Quand il est mort, le poète, ça c'est le titre de la chanson, Quand il est mort, le poète, donc, est une chanson en hommage à Jean Cocteau qui avait pris sa défense lors de critiques virulentes à l'encontre de son succès. Le poète dira de Gilbert Bécaud, je cite, « Bécaud a le courage d'être excessif, ce que si peu de gens osent en fait, et de se montrer tel qu'il est jusqu'au bout. » Fin de citation. C'est ce qu'avait dit donc Jean Cocteau. Voilà. Après 6 semaines de tournée en Allemagne, début 66, Gilbert Bécaud donne un concert au Philharmonic Hall de New York le 22 avril, avant de s'envoler pour l'Amérique du Sud. Le 8 octobre, donc la même année, il remonte son opéra en Belgique avant d'en effectuer un nouvel enregistrement plus moderne et dans lequel il s'attribue pour la première fois un rôle. La maison sous les arbres est en pierre de lune. Une à une, compagnie d'oiseaux. Des diamants qui brillent sur de l'eau. La maison sous les arbres. Une tempière de lune. Posée une à une. Oui, comme des brindilles. Pour te faire un nid. Ce sera ton île. Ton abri. La maison sous les arbres. N'aura que des fenêtres. Et un toit. Où les hirondelles et leurs hirondeaux rangeront leurs ailes en duo. La maison sous les arbres est en pierre de lune posée une à une. Mais pour la habiter, c'est bien entendu. Tu devras marcher les pieds nus, les pieds nus. Wird groß und schön.

Je t'aime, rien n'est jamais perdu. Oui, je veux que tu reviennes. C'est comme une rengaine qui ne me quitte pas. Je dors si mal sans toi. Je t'aime encore un peu plus. Je t'aime, rien n'est jamais perdu. Oui, je veux que tu reviennes. Tu sais, j'ai tant de peine. Et si je ne pleure pas, c'est que j'espère en toi. Je t'aime encore un peu plus. Je t'aime, rien n'est jamais perdu. Alors il faut que tu reviennes. Viens, j'oublierai ma peine. Le temps de vivre à deux n'est pas loin si tu veux. Je t'aime encore un peu plus. Je t'aime, rien n'est jamais perdu. Oui, je veux que tu reviennes. Faut que tu comprennes qu'un jour on se sépare, mais on garde l'espoir. Je t'aime encore un peu plus. Je t'aime, mais toi, que dis-tu? Je t'aime encore un peu plus. Je t'aime, mais toi, que dis-tu? Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors. Comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude.